Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. En 1963, Marthe Robert proposait pour France 3 National une série de 28 émissions intitulée « La révolution psychanalytique ». Des premiers travaux de Freud sur l'hystérie à la mise au point de sa théorie de la sexualité, de la naissance du mouvement psychanalytique aux dissensions en son sein, il s'agissait de retracer l'histoire de la psychanalyse à travers les grandes étapes de l'existence de son fondateur et un choix de ses écrits lus par des comédiens. Dans les 25e et 26e volets, il était question des années qui suivirent la Première Guerre mondiale, marquées par plusieurs crises en même temps que par d'importantes avancées théoriques. L'année 1920 fut ainsi à la fois pour Freud celle de la mort de sa fille Sophie et de son petit-fils Heinz, en même temps que celle de la publication de l'essai « Au-delà du principe de plaisir » qui pour la première fois introduisait le concept d'instinct de mort. 3 ans plus tard, en 1923, se déclaraient les premiers signes de ce cancer de la mâchoire qui fit des 16 dernières années de son existence un martyr sur le plan physique. La révolution psychanalytique, 25e et 26e épisode, diffusé pour la première fois sur France 3 National, les 22 juin et 6 juillet 1963. RTF France 3 National présente en seconde diffusion La liberté coupable. La liberté coupable, deuxième série. La révolution psychanalytique. Une émission de Marthe Robert, réalisée par Raoul Auclert. Michel Bouquet, René Farabet, Jean Muselli et Jean Topard dans Eros et la mort. Les lendemains de la guerre apportèrent à Vienne un tel surcroît de maux et de catastrophes que Freud, qui avait supporté stoïquement 4 ans d'épreuves et d'inquiétudes pour ses fils, les jugea presque pires que la guerre elle-même, laquelle du moins laissait subsister l'espoir de la paix. Maintenant c'était partout la faim, le froid, la misère. À quoi l'inflation, la pire calamité de ces temps désastreux, vint bientôt mettre le comble. Freud, dont les 3 fils étaient revenus du front indemnes, mais sans aucune perspective d'avenir, vit fondre en un rien de temps le petit capital qu'il avait pu économiser pendant une vie de travail, de sorte qu'à 63 ans, il se retrouva face à face avec ce qu'il craignait le plus, le vieux spectre de la pauvreté. Avec cela, les bouleversements politiques nés de la guerre condamnaient l'Autriche à une amputation massive de son territoire et à un isolement qui la coupait tant du monde occidental que de l'Allemagne et de la Hongrie, c'est-à-dire des 2 pays où la renaissance de la psychanalyse était immédiatement possible. Bien des esprits prévirent alors que la nouvelle Autriche ne serait pas viable. Aussi, les psychanalystes, neutres ou anciennement alliés, songèrent-ils à assurer l'avenir de Freud et de sa famille en l'aidant à s'établir ailleurs, en Angleterre, comme le voulait Jones, ou en Suisse, où Pfister lui offrait un refuge. Mais Freud répondit à ces propositions pressantes par le même refus qu'il opposa 20 ans plus tard à ses amis quand les nazis entrèrent à Vienne. Il ne quitterait pas son poste tant qu'il pourrait raisonnablement le tenir. De fait, il partagea jusqu'en 1938 le sort de cette ville à quoi l'unissait autant d'amour que de haine. Encore, à ce moment, n'est-ce pas lui qui est parti, mais bien plutôt Vienne qui l'a quitté. Ce n'est pas que Freud se fit beaucoup d'illusions sur les chances que trouverait à Vienne le développement scientifique et social de son mouvement. Mais il était dans l'ignorance de ce qui se passait dans les pays anglo-saxons. Et d'autre part, il ne voulait pas perdre le contact avec Berlin et Budapest. Cette dernière ville, surtout, lui paraissant appelée à devenir quelque jour le vrai centre de la psychanalyse européenne. Les grands espoirs qu'il mettait en Ferenczi, dont le congrès de Budapest avait consacré le succès, le soutien matériel qu'il trouvait inopinément dans la personne d'Anton von Freund, cet ancien malade devenu si vite son mécène et son ami, enfin la popularité soudaine de ses idées en Hongrie, le portèrent à regarder plutôt de ce côté que vers Londres ou New York, qui lui paraissaient sans doute bien lointaines. Mais une fois de plus, les événements allaient contrarier ses plans et susciter de nouveaux obstacles à la réunification du mouvement qui, à cette époque, comme en 1914, restait évidemment son premier souci. Le plus grave fut la révolution bolchévique qui, en 1919, coupa toutes les communications entre l'Autriche et la Hongrie, de sorte que Freud resta pendant plusieurs mois sans aucune nouvelle de Ferenczi, ce qui paralysa son action. La chose avait pourtant son bon côté, car le gouvernement de Béla Kun se montra plus favorable à la psychanalyse qu'aucun régime avant lui. Il créa une chaire à l'université dont Ferenczi fut le premier titulaire et une chaire d'anthropologie qui fut attribuée à Geza Roheim, le seul psychanalyste qui fut en même temps anthropologue de profession. Venant d'un gouvernement abhorré dont tout le monde guettait la chute, cette première consécration officielle de la cause fut en fin de compte plutôt compromettante. Les successeurs de Béla Kun, réactionnaires et violemment antisémites, pratiquèrent cet amalgame entre juifs et révolutionnaires qui devait connaître par la suite une si belle fortune. Ferenczi dut se terrer pendant des semaines chez lui pour échapper à leur police, et le calme revenu, les autorités surent lui faire payer ses brèves fonctions par toutes sortes de tracasseries. Ce revirement fut d'autant plus fâcheux que la donation d'Anton von Freund, qui, rappelons-le, devait entre autres fins philanthropiques servir à doter l'Association internationale de psychanalyse d'une maison d'édition dont elle serait seule propriétaire, était déposée en Hongrie et ne pouvait être transférée à Vienne que grâce à des arrangements administratifs très compliqués. Les fonds se montaient environ à 500 000 dollars, mais à peine un quart de cette somme put parvenir à Vienne. Le reste fut bloqué à Budapest et, après d'innombrables chicanes, les autorités hongroises finirent à peu de choses près par se l'approprier. Ainsi, le seul mécénat dont la psychanalyse eût jamais été bénéficiaire se trouva détourné de son but. L'Association internationale de psychanalyse eut sa maison d'édition, mais l'entreprise, grevée dès le début de lourdes difficultés financières, devint pour tous ses collaborateurs une source perpétuelle de tourments. Freud tenait beaucoup à cette maison d'édition, qui devait assurer à la littérature psychanalytique une complète indépendance tout en imprimant à ses diverses publications un cachet d'authenticité propre à les distinguer de toutes les productions plus ou moins sérieuses couvertes par l'étiquette psychanalytique. Bien que le sens de l'organisation et les qualités commerciales lui fissent manifestement défaut, il ne se laissa pas rebuter par la difficulté qu'en soit déjà soulevée la gestion d'un organisme international où des nécessités nationales, parfois contradictoires, entraient nécessairement en rivalité. Les directeurs étaient Freud, Ferenczi, Anton von Freund et Ranke, lequel assumait les fonctions commerciales. Quand le mécène hongrois apparut condamné, Jones prit sa place et géra la filiale anglaise qui, en principe, avait le même programme que la maison de Vienne. Ils s'en suivirent très vite des tiraillements entre les anglo-saxons et les autrichiens, ces derniers ayant bien entendu tendance à donner le pas aux ouvrages de langue allemande sur les autres publications. Avec deux directions, plusieurs têtes et pas d'argent, l'entreprise eut constamment une existence précaire et Jones, se rappelant les énormes sacrifices de temps, d'argent et de force qu'elle a coûté, se demande si Freud était bien sage de s'entêter à la défendre au lieu de la remettre à des gens de métier. Sans aucun doute, il se serait épargné une tâche supplémentaire à un moment où ses obligations, de toutes espèces, étaient déjà trop lourdes à porter, mais son calcul, en fin de compte, n'était pas si mauvais, car pendant les 20 ans qu'il a duré, l'Internationale Psychoanalytischer Verlag a regroupé et orienté la littérature psychanalytique comme aucune entreprise commerciale n'aurait pu le faire sans péril. En tout cas, les 100 revues et les quelques 150 ouvrages, parmi lesquels les œuvres complètes de Freud qui furent éditées sous sa raison sociale, suffisent après coup à le justifier. Il nous faut revenir sur le généreux donateur auquel le Verlag dut son existence. Car, en ces instants difficiles de l'après-guerre, il donna à Freud tout à la fois de la joie et beaucoup de chagrin. Anton von Freund était avec Max Aitignon le seul homme riche que la psychanalyse compta parmi ses membres, lesquels étaient généralement fort pauvres et étroitement dépendants des vicissitudes économiques du temps. Propriétaire d'une brasserie à Budapest et docteur en philosophie, von Freund était venu faire soigner chez Freud une grave névrose liée à une tumeur dont il était atteint. Le traitement dura de 1918 à 1919 et se termina par une complète guérison. Mais en mars 1919, des signes suspects réapparurent qui cette fois firent craindre un cancer. Freud essaya de se rassurer en diagnostiquant un rein flottant, mais une intervention chirurgicale ne laissa plus de doute sur la nature maligne de l'affection. Von Freund, conscient de son état, rendit à Freud l'anneau que celui-ci lui avait remis comme un futur membre du comité secret, puis il se vit remplacé dans toutes les fonctions qu'il s'apprêtait à tenir. Sa mort survint le 20 janvier 1920, portant à Freud un coup brutal, le premier de ceux qui allaient le frapper en cette terrible année. 3 jours plus tard, en effet, le soir même de l'enterrement de son ami, Freud apprit que sa deuxième fille, Sophie, avait contracté la grippe qui, cette année-là, faisait des ravages dans toute l'Europe. La jeune femme habitait Hambourg avec son mari et ses 2 petits garçons, et ses parents ne purent se rendre auprès d'elle, faute de train entre Hambourg et Vienne. Elle fut emportée brutalement, comme si, dit Freud, elle n'avait jamais existé. Nous étions déjà soucieux depuis 2 jours, mais nous avions encore de l'espoir. Il est si difficile de juger de loin. Et ce lointain restera le lointain. Nous n'avons pas pu, comme nous le voulions, partir dès la première nouvelle alarmante. Il n'y avait pas de train, pas même de train d'enfant. La brutalité sans voile de l'époque pèse sur nous. Elle sera incinérée demain, notre pauvre enfant du dimanche. Sophie laisse 2 garçons de 6 ans et de 13 mois et un mari inconsolable qui paiera cher un bonheur de cette année. Le bonheur était entre eux, pas à l'extérieur. Car ils ont eu la guerre, la mobilisation, il a été blessé et ils ont perdu tous leurs biens. Mais ils étaient restés courageux et gais. Je travaille autant que je peux et je suis reconnaissant de ce dérivatif. La mort d'un enfant semble être une grave blessure narcissique. Je suppose que le deuil ne viendra qu'après. Mais dès que le moment des condoléances sera passé, je ferai tout de même venir Pfister Junior. Pourquoi ce gentil garçon devrait-il en pâtir? Après ces 2 deuils survenus à quelques jours de distance, Freud écrit à Ferenczi « La séance continue ». Mais c'était un peu beaucoup pour une semaine. Et comme son ami s'effraie des suites intérieures de ses chocs répétés, il lui envoie pour l'apaiser ces lignes émouvantes. Mon cher ami, ne vous faites pas de soucis pour moi. À part un peu de fatigue, je suis toujours le même. Cette mort, si douloureuse qu'elle soit, ne trouve chez moi aucune conception du monde à renverser. Pendant des années, je me suis préparé à supporter la perte de mes fils. Maintenant vient celle de ma fille. Comme je suis profondément incroyant, je n'ai personne à accuser, et je sais qu'il n'y a pas de lieu où l'on puisse porter plainte. Tout au fond de moi s'agite le sentiment d'une profonde, d'une incurable blessure narcissique. Ma femme et Anna sont terriblement bouleversées, en un sens plus humain. Dans sa vieillesse traversée de deuil et d'épreuves, ce n'était pourtant pas Sophie, mais le plus jeune fils de celle-ci qui devait causer à Freud sa plus grande souffrance. Âgé de 18 mois à la mort de sa mère, le petit Heinz avait été recueilli par sa tante qui vivait à Vienne, et Freud s'était pris pour cet enfant chétif et merveilleusement doué d'un immense amour, plus fort, disait-il, que toutes ses autres affections humaines. Le petit garçon n'était pas son seul petit-fils, mais Freud, séduit par sa grâce et son intelligence précoce, le chérissait comme s'il lui remplaçait tous ses enfants et petits-enfants. La joie qu'il en eut fut de courte durée, car en 1923, peu de temps après la première des 33 opérations nécessitées par son cancer de la mâchoire, son petit-fils contracta une grave maladie sur quoi les médecins d'abord ne surent pas se prononcer. C'était une tuberculose miliaire, l'une de ces maladies infantiles contre lesquelles la thérapeutique du temps n'avait pas de remède. Freud, qui savait probablement de quel mal il était lui-même atteint, assista avec horreur à l'agonie du petit être qui, semble-t-il, représentait alors son lien le plus fort avec la vie. Bien souvent, par la suite, il dit que la mort de ce petit garçon de 4 ans ne l'avait pas seulement fait souffrir, mais avait tué quelque chose en lui. C'était le secret de ce que le monde appela son courage devant la souffrance et de son indifférence à l'issue de sa maladie. Lorsque, en 1920, il publia l'essai qui, en introduisant à côté de la libido un instinct de mort et de destruction, bouleversait inopinément sa théorie, Freud s'attendait bien que l'on cherchât une corrélation entre ce revirement radical et le deuil qu'il avait frappé quelques mois plus tôt. Sa fille, en effet, était morte en janvier 1920. Au-delà du principe du plaisir, où l'instinct de mort s'affirmait comme une entité, parut en mai de la même année. Il n'y avait pas besoin de beaucoup de pénétration pour soupçonner un lien étroit entre les deux événements. Craignant peut-être qu'une pareille interprétation ôta de la force à ses idées, Freud prit alors une singulière précaution. Il demanda au fidèle Aitignon une sorte de certificat attestant qu'il avait lu le manuscrit complet de l'essai avant janvier 1920, à une époque où, chacun le savait, Sophie était encore en parfaite santé. Bien entendu, ce démenti ne servit à rien. Freud avait enseigné qu'il n'y a dans la vie psychique de l'homme ni coïncidence ni hasard. Bien des psychanalystes refusaient d'admettre qu'il fît exception à sa propre loi. On voit combien il en fut mortifié dans une lettre qu'il écrivit 3 ans plus tard à Fritz Wittels pour rectifier toutes les erreurs qu'il avait trouvées dans sa biographie. C'est là quelque chose qui m'a toujours paru intéressant. Dans une étude analytique de n'importe qui d'autre, j'aurais certainement beaucoup insisté sur la corrélation entre la mort de la fille et les conceptions exprimées dans « Au-delà ».« Au-delà » a été écrit en 1919 quand ma fille était encore pleine de jeunesse et de santé. Elle est morte en 1920. En septembre 1919, j'ai laissé le manuscrit de l'essai chez des amis de Berlin afin qu'ils le revoient. À ce moment, il ne manquait que la partie sur la mortalité ou l'immortalité du plasma germinatif. Le probable n'est pas toujours vrai. Pour logique qu'elle fût aux yeux des psychanalystes, cette explication strictement biographique était en effet un peu étroite si l'on admet qu'entre 1919 et 1920, les idées de mort et de destruction avaient après tout quelques raisons de s'imposer à l'esprit et même de le dominer. Devant les effroyables dévastations dont l'humanité pouvait maintenant à peine faire le compte, devant l'effondrement matériel, moral et spirituel auquel on le voyait bien après coup, ni vainqueur ni vaincu n'avait échappé. Quel penseur ne se fût demandé ce qu'il en était de ce chaos? Ce que signifiait cette chute brutale de l'homme et de sa civilisation? Au début de la guerre, Freud, nous l'avons dit, avait manqué de clairvoyance. Mais pendant 4 ans, tandis qu'il rédigeait son introduction à la psychanalyse et sa métapsychologie, il est hors de doute qu'il se tourna de plus en plus vers les questions dernières qui, vu le point de départ de ses travaux, n'avaient eu jusque-là pour lui aucun caractère d'urgence. L'étude des psychonévroses l'avait conduit à proclamer le règne universel de la libido, à affirmer que, malgré les incessants conflits dont il est cause et victime, l'amour mène le monde, même par les moyens de la haine et de la destruction. Mais, dès 1915, certains de ses écrits portent indéniablement, et jusque dans leur titre, la marque des événements contemporains. Ce sont par exemple « Des choses périssables », texte écrit à la demande de la société Goethe pour un volume qu'elle publia l'année suivante, et « Considérations actuelles sur la guerre et la mort », dont la deuxième partie intitulée « Notre attitude devant la mort » était le texte d'une conférence faite devant le cercle juif B'nai B'rit. Certes, il n'y a rien encore là qui limite la toute-puissance de la libido. Mais la conclusion de la conférence, où Freud varie l'adage connu sur la guerre en disant « Si tu veux supporter la vie, prépare-toi à la mort », cette conclusion, au regard de la théorie de la libido, est déjà un début de révolution. Si l'introduction de la notion de narcissisme en 1914 avait troublé bien des esprits, celle de l'instinct de mort créa dans les milieux psychanalytiques un véritable malaise que les années atténuèrent peu à peu sans toutefois le dissiper entièrement. Distinguer un instinct spécial responsable de toutes les tendances négatives de la psyché, mettre en balance la libido que Freud identifiait maintenant carrément avec l'éros platonicien et une force de destruction s'exerçant en vertu d'une loi générale contre les choses animées, chacun vit bien que cela était grave, puisque la psychanalyse, dans sa technique plus encore que dans sa théorie, mise entièrement sur les ressources de l'amour. Les psychanalystes étaient en droit de s'émouvoir, d'autant que Freud, jusque-là, avait toujours énergiquement repoussé toutes les spéculations sur ce sujet. À vrai dire, ces spéculations allaient de soi dès le début, la psychanalyse ayant précisément mis en pleine lumière ce singulier phénomène de l'ambivalence où l'amour est étroitement couplé avec la haine. Très tôt, Adler en avait tiré sa théorie de l'agressivité qui, selon Freud, aboutissait à l'image désolante d'un monde sans amour et devait être, pour cela même, condamné. Le mot « thanatos », par quoi l'on désigne aujourd'hui l'instinct de mort, bien que Freud lui-même ne l'emploie pas dans ses écrits, avait été proposé dès 1909 par Stekel pour désigner les souhaits de mort dont le rêve se fait si volontiers le truchement. Et, en 1912, Sabina Spielrein avait publié dans le Yarbuch « La destruction comme cause du devenir », un article où la conception de l'instinct de mort était anticipée presque point par point. Chaque fois que ces idées étaient apparues, Freud s'y était montré obstinément rebelle, et s'il les adopta brusquement en 1920, de son propre aveu à titre d'essai, elles ne devinrent une certitude que dans ses œuvres plus tardives. En 1930, dans un passage important de « Malaise dans la civilisation », il revient sur ce long refus, qui maintenant lui paraît incompréhensible. L'hypothèse de l'instinct de mort ou de destruction a rencontré de la résistance même au sein des milieux psychanalytiques. Je sais combien est répandue la tendance à attribuer de préférence tout ce qu'on découvre de dangereux et de haineux dans l'amour à une bipolarité originelle qui serait propre à sa nature. Au début, je n'avais défendu qu'à titre d'essai les conceptions ici développées, mais avec le temps, elles se sont imposées à moi avec une telle force que je ne puis plus penser autrement. Je veux dire que du point de vue théorique, elles sont incomparablement plus fructueuses que n'importe quelle autre. Elles apportent, sans négliger ni forcer les faits, cette simplification vers laquelle nous tendons dans notre travail scientifique. Je reconnais que dans le sadisme et le masochisme, nous avons toujours vu les manifestations fortement teintées d'érotisme de l'instinct de destruction tourné vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Mais je ne comprends plus que nous ayons pu rester aveugles à l'ubiquité de l'agression et de la destruction non érotique et négliger de leur accorder la place qu'elles méritent dans notre interprétation de la vie. Il est vrai que la soif de destruction tournée vers le dedans échappe en grande partie à notre perception lorsqu'elle n'est pas teintée d'érotisme. Je me rappelle ma propre résistance à la conception d'un instinct de destruction quand elle se fit jour dans la littérature psychanalytique et combien j'y restais inaccessible. Je suis donc moins surpris que d'autres aient manifesté et manifestent encore cette même répugnance. Et certes, ceux qui préfèrent les contes de fées font la sourde oreille quand on leur parle de la tendance native de l'homme à la méchanceté, à l'agression, à la destruction et partant à la cruauté. Dieu n'a-t-il pas fait l'homme à l'image de sa propre perfection ? Au-delà du principe du plaisir, dont le titre n'a peut-être pas par hasard une résonance nietzschéenne, part de quelques remarques ayant une portée clinique limitée pour entrer presque aussitôt dans une sphère de pure spéculation. Cliniquement, en effet, le principe du plaisir semblait être infirmé par certains phénomènes comme les névroses traumatiques, spécialement les névroses de guerre dans lesquelles le malade revivait indéfiniment le choc, l'accident, la frayeur dont il avait été victime, et que le principe du plaisir, en bonne règle, eût dû précisément lui épargner. La loi du plaisir semblait donc comporter au moins une exception, mais Freud en trouva une autre, cette fois en observant le jeu bizarre d'un enfant. Cet enfant était le frère du petit Heinz, le fils aîné de sa fille Sophie. Âgé de 18 mois au moment de l'observation, le petit garçon était gentil et très docile. Mais son entourage était dérouté par sa fâcheuse habitude d'envoyer tous les objets qui lui tombaient sous la main dans le coin d'une pièce ou sous un lit. En jetant les objets, il prononçait avec un air d'intérêt et de satisfaction le son prolongé « Oh, oh, oh !» Son qui, d'après les jugements concordants de la mère et de l'observateur, n'était nullement une interjection, mais signifiait « fort, loin ». Je me suis finalement aperçu que l'enfant n'utilisait ses jouets que pour les jeter au loin. Un jour, je fis une observation qui confirma ma manière de voir. L'enfant avait une bobine de bois entourée d'une ficelle. Pas une seule fois, l'idée ne lui était venue de traîner cette bobine derrière lui, c'est-à-dire de jouer à la voiture avec elle. Mais, tout en maintenant le fil, il lançait la bobine avec beaucoup d'adresse par-dessus le bord du lit, entouré d'un rideau où elle disparaissait. Il prononçait alors son invariable « Oh, oh, oh !» retirait la bobine du lit et la saluait cette fois par un joyeux « Da !» La voilà. Tel était le jeu complet, avec une disparition et une réapparition dont on ne voyait généralement que le premier acte, car celui-ci était répété inlassablement, alors que de toute évidence, c'était le deuxième qui procurait le plus de plaisir à l'enfant. L'interprétation du jeu ne laisse pas de doute sur son sens. La disparition et la réapparition de la bobine représentent le départ et le retour de la mère. Et comme le jeu insiste surtout sur la disparition, il faut admettre qu'il reproduit électivement un événement douloureux. En rapprochant cette constatation de ce qui se passe si souvent dans les cures analytiques, où le névrosé ne progresse pas parce qu'il reproduit sans cesse les mêmes situations symptomatiques, Freud conclut qu'il existe dans la vie psychique une tendance irrésistible à la répétition, tendance élémentaire et impulsive qui s'affirme en dehors ou même au dépens du principe du plaisir, lequel, par conséquent, ne peut plus être considéré comme une tendance primitive. Le principe du plaisir était dérivé du principe de stabilité ou de constance défini par Fechner, qui postulait que l'appareil psychique tend toujours à maintenir les excitations provenant du dehors à un niveau aussi bas que possible. Maintenant, Freud l'oppose au principe de répétition, qui, dans la vie animale, se manifeste par une stéréotypie, parfois dangereuse, des instincts. De cet automatisme, qu'il qualifie de démoniaque, Freud passe ensuite, par un bond audacieux, à l'idée centrale de l'essai, qui est celle d'une tendance de toutes les choses animées à retrouver un état antérieur, en d'autres termes, la mort, puisque partout le non-vivant a précédé la vie. Ainsi, le but de la vie est la mort, et la vie elle-même, un détour plus ou moins long dans la course universelle au néant. Tels sont les thèmes dominants de cette vision grandiose où Eros et Thanatos mènent l'un contre l'autre une lutte confuse et, du moins tant que la vie persévère, sans issue décisive. Thanatos a pour unique but de ramener toute matière vivante à l'état inorganique. Eros, de son côté, travaille patiemment à rassembler des groupes de plus en plus étendus et à embrasser la vie dans sa totalité. De ces deux forces également invincibles, laquelle l'emportera en fin de compte? Freud ne se hasarde pas à le dire ici, mais dans un ouvrage ultérieur, Le Moi et le Ça, il laisse entendre qu'il opte pour l'instinct de mort, dont l'empire est puissant et muet, contre l'éros qui est dans le monde l'éternel trouble-paix. Il est remarquable qu'en décrivant le combat des deux puissances célestes, Freud illustre sa théorie de l'éternel retour du même par un retour à son propre passé et à l'origine de sa recherche. Au-delà du principe du plaisir, en effet, fait revenir sous sa plume des noms qu'on n'y trouvait plus depuis longtemps. Celui de Fechner, dont les travaux lui étaient connus grâce à Breuer. De Breuer lui-même, à qui il emprunte la distinction entre la notion d'énergie libre et celle d'énergie liée. De Fliess, enfin, dont les idées sur la périodicité obligatoire de tous les phénomènes vivants inspirent, à ne pas s'y méprendre, sa loi démoniaque des répétitions. Ce retour à l'origine était-il un méfait de Thanatos, ou au contraire, un bienfait de l'éros fidèle qui, tout à coup, eut ranimé la passion de sa jeunesse? Vous pencherez pour cette dernière façon de voir en constatant que tout l'essai, malgré le caractère lointain de ses spéculations, est au fond une tentative pour ramener la psychanalyse à la biologie expérimentale, la seule science dont Freud ait accepté et même souhaité la tutelle. Et certes, cette tentative échoue et Freud va demander à la métaphysique ce que la biologie n'a pas pu lui donner, mais il ne se lasse pas de redire que si elle a déçu son attente, c'est elle et elle seule qui, jusqu'à nouvel ordre, détient les derniers secrets. Nous n'avons pas lieu ici d'entrer dans les innombrables polémiques à quoi l'instinct de mort a donné lieu tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du mouvement psychanalytique. D'une manière générale, les discussions ont porté et portent encore sur l'opportunité, le bien fondé de la notion d'instinct appliquée aux tendances régressives et destructrices de la vie. Est-il juste de proposer deux notions strictement opposées pour désigner en somme le même processus? Au lieu de dire, comme Freud semble le faire, que seul vit ce qui va mourir, ne pourrait-on dire que seul meurt ce qui est vivant? Ces questions sont fort embarrassantes pour les psychanalystes qui, quelles que soient leurs convictions personnelles, ne peuvent en aucun cas faire de l'instinct de mort un instrument thérapeutique. La notion d'une tendance élémentaire à la destruction et à l'autodestruction, d'un sadisme et d'un masochisme primaire, renvoie bien vite le thérapeute à une fatalité aveugle devant laquelle il ne peut pas s'incliner, à moins de renoncer d'emblée à guérir. À quelque conception du monde qu'il adhère, le psychanalyste ne peut agir qu'avec Eros pour allié. À cela, les partisans de l'instinct de mort peuvent répondre que, au-delà du principe du plaisir, n'est pas une brève inspiration dans l'œuvre de Freud, mais indéniablement le dernier état de sa pensée. Si on le conteste, il faut aussi contester le « moi » et le « ça », par exemple, qui décrit l'appareil psychique en fonction de la dualité mise en cause et est pourtant devenu l'indispensable pilier de la théorie. Il est vrai que Freud n'est jamais revenu sur les idées contenues dans « Au-delà du principe du plaisir ». Tout au contraire, 3 ans plus tard, il les exprima encore avec une fermeté accrue. Nous basant sur des raisons théoriques appliquées à la biologie, nous avons admis l'existence d'un instinct de mort, ayant pour fonction de ramener tout ce qui est doué de vie organique à l'état inanimé, tandis que le but poursuivi par Eros consiste à compliquer la vie et, naturellement, à la maintenir et à la conserver en intégrant à la substance vivante divisée et dissociée un nombre de plus en plus grand de ses particules détachées. Les deux instincts, aussi bien l'instinct sexuel que l'instinct de mort, se comportent comme des instincts de conservation au sens le plus strict du mot, puisqu'ils tendent l'un et l'autre à rétablir un état qui a été troublé par l'apparition de la vie. L'apparition de la vie serait donc la cause aussi bien de la prolongation de la vie que de l'aspiration à la mort. Et la vie elle-même apparaîtrait comme une lutte ou un compromis entre ces deux tendances. Le problème des origines de la vie resterait une question d'ordre cosmologique qui, au point de vue du but et de l'intention poursuivie par la vie, comporterait une réponse dualiste. Il paraîtra étrange que l'hypothèse de l'instinct de mort ait conduit Freud à approfondir la psychologie du « moi » qui jusque-là n'occupait qu'une place modeste dans la théorie. Au vrai, les vues théoriques allaient ici dans le sens de l'expérience, qui montrait de plus en plus clairement que le moi n'était pas entièrement assimilable à la vie consciente, pas plus qu'il ne s'opposait à la libido comme on l'avait affirmé d'abord. La clinique prouvait chaque jour, par la résistance inconsciente des malades à la cure, que le moi était en partie inconscient, et comme d'autre part il ne s'opposait plus à la libido, mais à un monde d'instincts contradictoires où pulsions érotiques et pulsions mortelles voisinaient, c'était toute la conception de l'appareil psychique qu'il fallait remanier. Freud décrit alors la structure, le dynamisme et l'économie des 3 instances psychiques qu'il appelle « moi »,« ça » et « surmoi », et dont les relations conditionnent entièrement la santé et la maladie. En vérité, ces 3 instances ont toutes la même origine. Elles proviennent de ce monde impersonnel et difficilement définissable que Freud, à la suite de Nietzsche et de Georg Grodeck, nomme désormais le « ça ». C'est la partie la plus obscure, impénétrable de notre personnalité, et le peu que nous en savons, nous l'avons appris en étudiant l'élaboration du rêve et la formation du symptôme névrotique. Ce peu a en outre un caractère négatif et ne peut se décrire que par contraste avec le moi. Seules certaines comparaisons nous permettent de nous en faire une idée. Nous l'appelons chaos, marmite pleine d'émotions bouillonnantes. Nous nous le représentons débouchant d'un côté dans le somatique et y recueillant les besoins pulsionnels qui trouvent en lui leur expression psychique. Mais nous ne pouvons dire dans quel substratum. Il s'emplit d'énergie à partir des pulsions, mais sans témoigner d'aucune organisation ni d'une volonté générale. Le ça ignore la négation, la contradiction, le sentiment de la durée et la notion du temps. Bien entendu, il ne connaît pas davantage les jugements de valeur, le bien et le mal, la morale. Tout ce qu'il n'est pas appartient aux deux autres instances, le moi et le surmoi, auxquels incombe l'organisation et le maintien de la vie psychique. Le moi est la partie la plus superficielle de l'appareil, une portion du ça modifiée par la proximité et l'influence du monde extérieur, organisée pour percevoir les excitations et s'en défendre. Il est ce qui conçoit le temps et l'espace, possède une aptitude à prévoir et à opérer des synthèses. Bref, il est doué d'un haut degré d'organisation qui lui permet d'accomplir précisément ce dont le ça est incapable. Si ce dernier est le royaume des passions déchaînées, il est, lui, celui de la prudence et de la raison. Le surmoi est issu du rapport de l'enfant avec ses parents par un processus complexe d'identification, grâce à quoi l'autorité extérieure est transportée à l'intérieur du sujet et joue le rôle attribué couramment à la conscience morale. Malgré sa place apparemment élevée dans la hiérarchie, le surmoi, qui est lui aussi en partie inconscient, a plus de rapport et d'affinité avec le ça qu'avec le moi, pour lequel il est le plus souvent un juge sévère et rigide. C'est lui qui est la cause du refoulement, soit qu'il agisse lui-même, ou charge le moi docile d'exécuter ses ordres. De par son origine archaïque, il est le représentant du passé, de la tradition, de l'inactuel. Sa tyrannie excessive est l'un des plus grands périls qui menacent la psyché. Placé entre trois maîtres également tyranniques et absolus, le monde extérieur, le ça et le surmoi, le moi se trouve dans une posture incommode, où ses multiples tâches ne sont pas faciles à accomplir. Dans la troisième conférence de la deuxième série, intitulée « Les diverses instances de la personnalité psychique », Freud pousse à dessein sa personnification afin de faire sentir le drame angoissant où il est engagé. Quand on observe les efforts que tente le moi pour se montrer équitable envers ses trois maîtres à la fois, ou plutôt pour leur obéir, on ne regrette plus de l'avoir personnifié, de lui avoir donné une existence propre. Il se sent comprimé de trois côtés, menacé de trois périls différents auxquels, en cas de détresse, il réagit par une production d'angoisse. Tirant son origine des expériences de la perception, il est destiné à représenter les exigences du monde extérieur, mais il tient cependant à rester le fidèle serviteur du « ça », à demeurer avec lui sur un pied de bonne entente, à être considéré par lui comme un objet d'amour et à s'attirer sa libido. En assurant le contact entre le « ça » et la réalité, il se voit souvent contraint d'apaiser les conflits en faisant preuve d'hypocrisie diplomatique, de paraître tenir compte de la réalité, même quand le ça demeure inflexible et intraitable. D'autre part, le surmoi sévère ne le perd pas de vue, et indifférent aux difficultés suscitées par le ça et le monde extérieur, lui impose les règles déterminées de sa conduite. S'il vient à désobéir au surmoi, il en est puni par de pénibles sentiments d'infériorité et de culpabilité. Ainsi, pressé par le ça, opprimé par le surmoi, repoussé par la réalité, le moi lutte pour accomplir sa tâche économique, rétablir l'harmonie entre les diverses forces et influences qui agissent sur lui et en lui. Chaque fois qu'il est forcé de reconnaître sa propre faiblesse, le moi est saisi d'effroi. de peur réelle devant le monde extérieur, de scrupules de conscience devant le surmoi, d'anxiété névrotique devant le ça et la force des passions qui y règnent. Il est clair que le bon fonctionnement de l'appareil psychique dépend en grande partie de la force et de la santé du moi, qui ne doit pas être servile et anxieux, mais souverain, capable d'assurer harmonieusement les rapports entre ces trois tyrans. C'est pourquoi la cure analytique a une ligne de conduite toute tracée. Quelques cas qu'elle doive traiter, il lui faut fortifier le moi, afin de le mettre à même d'imposer son ordre aux deux puissances obscures et rebelles. Discipliner et contrôler le chaos du sein, réduire les exigences du surmoi à une mesure raisonnable, c'est là tout le travail de l'analyse. Un travail, dit Freud, qui n'exige pas moins de dépenses que l'assèchement du Zuiderzee ou n'importe quelle tâche ardue de la civilisation. RTF France 3 Nationale vous a présenté en seconde diffusion La liberté coupable. La liberté coupable, deuxième série, La révolution psychanalytique. Une émission de Marthe Robert, réalisée par Raoul Leclerc. Michel Bouquet, René Farabet, Jean Muselli et Jean Topard, dans Eros et la mort. Prise de son Pierre Simon, collaboration technique Monique Germain, assistante Marie-Andrée Arminot. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France 3 Nationale le 22 juin 1963. Tout de suite, le 26e volet de cette série, diffusé la semaine suivante. RTF France 3 Nationale présente en seconde diffusion La liberté coupable. La liberté coupable, deuxième série. La révolution psychanalytique. Une émission de Marthe Robert, réalisé par Raoul Leclerc. Michel Bouquet, Roger Brett, René Farabet, Claude Martin, Pascal Mazzotti, Jean Muselli et Jean Topard dans Nouvelle crise. Freud était apparemment bien portant quand, un jour de février 1923, il constata les premiers signes du mal qui, sans mettre fin à son activité scientifique, allait transformer en martyr les 16 dernières années de sa vie. Soucieux d'épargner ses proches et peut-être plus encore de ne pas ébruiter une nouvelle bouleversante, lourde de conséquences pour ses malades et ses élèves, il s'abstint de consulter et, pendant plus de 2 mois, garda le silence sur son état. En avril, un médecin de ses amis, Félix Deutsch, étant venu le voir par hasard, il lui demanda d'examiner quelque chose de désagréable qu'il avait dans la bouche. Deutsch reconnut immédiatement le caractère malin de la tumeur, mais perdit contenance devant l'attitude de Freud, qui, après avoir évoqué la douleur de sa vieille mère s'il venait à mourir avant elle, pria son ami de l'aider à sortir de ce monde avec décence au cas où ses souffrances deviendraient intolérables. Deutsch se méprit sur ces paroles, qu'il interpréta comme une menace de suicide. Aussi prit-il le parti de mentir, non sans conseiller toutefois d'éloigner la tumeur par une intervention immédiate. Freud réfléchit quelques jours, puis sans rien dire chez lui, se présenta un matin à la clinique du professeur Hayek, un rhinologue connu avec lequel il était personnellement lié. La clinique n'était pas un établissement privé, mais un hôpital public rattaché à l'université. Freud y subit la première des 33 opérations auxquelles il dut se soumettre dans des circonstances dramatiques, où, comme Jones le relate dans sa biographie, le destin qui sauva Freud prit ironiquement la figure d'un idiot. À sa grande surprise, la famille reçut un coup de téléphone de la clinique qui lui demandait d'apporter le nécessaire pour la nuit. Sa femme et sa fille coururent et le trouvèrent dans la salle de consultation, les vêtements pleins de sang, assis sur une chaise de cuisine. L'opération ne s'était pas passée tout à fait comme il était prévu, et l'hémorragie était trop violente pour que le malade pût rentrer chez lui. Il n'y avait pas dans tout l'hôpital une seule chambre ou même un lit de libre, de sorte qu'on plaça un brancard dans une petite pièce à côté d'un nain idiot qui y était en traitement. À l'heure du déjeuner, pendant lesquelles les visites n'étaient pas permises, l'infirmière renvoya les deux dames en les rassurant sur l'état du malade. Lorsqu'elles revinrent, 1 ou 2 heures après, elles apprirent qu'une forte hémorragie s'étant de nouveau produite, Freud avait sonné pour demander du secours, mais la sonnerie n'avait pas marché et lui-même ne pouvait ni parler ni crier. Toutefois, le gentil nain avait couru chercher de l'aide et l'hémorragie avait pu être arrêtée avec quelque peine. Pendant la nuit suivante, Anna et l'infirmière furent tellement alarmées par l'état du malade qu'elles appelèrent l'interne de garde, mais celui-ci refusa de quitter son lit. Le lendemain, Hayek présenta le cas à toute une foule d'étudiants et, dans le courant de la journée, Freud put rentrer chez lui. Quoiqu'il connût nécessairement la gravité du cas, le professeur Hayek avait procédé avec une surprenante légèreté, en négligeant certaines mesures qui eussent épargné à Freud bien des suites pénibles. En particulier, il ne fit rien pour éviter la rétraction de la cicatrice, laquelle réduisit considérablement l'ouverture de la bouche et causa toutes sortes de troubles. Ce professeur Hayek, qui était le beau-frère de l'écrivain Arthur Schnitzler, se rendit du reste tristement notoire par la façon dont il traita un autre malade célèbre, alors inconnu, il est vrai. 1 an après Freud, en effet, Franz Kafka, atteint de la laryngite tuberculeuse qui devait l'emporter, fut hospitalisé chez lui dans des conditions scandaleuses dont l'opinion littéraire fut fort émue. Franz Werfel, en particulier, intervint énergiquement pour que Kafka, qui était presque mourant, fût traité avec plus d'égard et eût au moins une chambre séparée. Le professeur Hayek répondit « Un certain Werfel m'écrit que je dois faire quelque chose pour un certain Kafka. Kafka, je sais qui c'est le malade du numéro 12. Mais qui est Werfel ?» On comprend que Freud ait vite ressenti de la méfiance à l'égard de son chirurgien dont l'attitude était tout à fait incohérente. Quelques mois après l'opération, il lui permit de partir comme d'habitude en vacances, puis il lui demanda de revenir tous les 15 jours à Vienne pour l'autoriser finalement à rester dans le sud tout l'été, juste au moment où le carcinome avait réapparu. Désespéré par la mort toute récente de son petit-fils, Freud donnait à son entourage les plus vives inquiétudes. Une seconde opération, très étendue cette fois, était absolument indispensable, mais Freud y consentirait-il ? Ne choisirait-il pas plutôt de mourir ? Anna et Félix Deutsch, qui n'osaient toujours pas dire à Freud la vérité, allaient rejoindre les membres du comité réunis non loin de là pour une session de vacances. Seul Rank était déjà au courant de la situation. Les autres n'apprirent la maladie de Freud qu'à ce moment. Jones raconte que comme il débattait de la conduite à tenir et prononçait le nom de Freud, Rank fut pris d'un fou rire hystérique dont, à l'effroi de tous, il ne put se rendre maître. Personne ne comprit alors ce que signifiait cette conduite étrange, ni de quel bouleversement elle était le signe. Le comité voulait convaincre Freud de la nécessité de l'intervention. Mais comment ? Zax proposa de miser sur son amour pour Anna, Rank de faire valoir la pensée de sa mère. Jones raconte comment il s'opposa à ce qu'on usât de tels procédés. « Je protestais et dis que nous n'avions aucun droit d'ôter à Freud la liberté de sa décision. Les médecins présents, Abraham, Aitignon, Ferenczi, soutinrent mon point de vue. Bien des années plus tard, à Londres, je racontais à Freud notre discussion pour savoir si nous devions ou non lui dire la vérité, sur quoi il me demanda avec des yeux étincelants « De quel droit ?» Peu après l'opération, toutefois, il dit à Ferenczi qu'il avait été sûr, dès le début, que sa tumeur était cancéreuse. Le 26 septembre, Hayek et un stomatologiste fameux, le professeur Püchler, examinèrent Freud et lui trouvèrent une tumeur maligne du palais, qui s'étendait sur les tissus voisins, y compris la partie supérieure de la mâchoire et même la joue. L'opération fut décidée sur le champ. Elle eut lieu en deux fois, le 4 et le 11 octobre. La première intervention ayant pour but d'enlever les glandes du maxillaire inférieur, dont le volume était déjà suspect, la deuxième consista à ouvrir largement la lèvre et la joue, puis à retirer tout le maxillaire supérieur et la partie malade du palais, ce qui naturellement supprima la cloison des cavités nasales et buccales. Cette effroyable opération, qui eut lieu entièrement sous anesthésie locale, laissa le malade pendant plusieurs jours incapable de parler et de se nourrir. Il put néanmoins se rétablir et à la fin du mois fut en état de rentrer chez lui. Ainsi commencèrent 16 ans de torture continuelle, marquée par de nombreuses récidives du mal et de nouvelles interventions chirurgicales destinées soit à retirer les tissus précancéreux, soit à améliorer le diabolique instrument que Freud dut porter en guise de prothèse. Cette mâchoire artificielle qui devait séparer la bouche de la cavité nasale était appelée le monstre, et c'en était un en effet, car Freud, qui ne pouvait pas ouvrir la bouche largement, n'était à même ni de la mettre, ni de la retirer sans aide. Comme elle devait s'adapter étroitement à la bouche pour permettre la parole et l'absorption de nourriture, elle provoquait constamment des inflammations douloureuses. Mais si on la retirait pour plus de quelques heures, les tissus s'affaissaient et le monstre ne pouvait plus rentrer. À partir de ce moment, Freud ne put plus manger et parler qu'en faisant les efforts les plus pénibles. Il prit ses repas seul et ne parla plus jamais en public. Sa fille, Anna, qui le soigna à tout instant jusqu'à sa mort, en vertu d'un pacte qu'ils avaient conclu dès le début, devint littéralement son porte-parole. C'est elle qui lut toutes ses communications au Congrès. Elle aussi, qui, plus tard, s'efforça d'éloigner de lui les importuns venus du monde entier. Anna avait promis de le soigner avec toute la froideur technique du chirurgien, sans céder à l'émotion ni laisser libre cours à ses sentiments. Et pendant 16 ans, elle a tenu son défaillance, sa promesse. Par une cruauté qu'on jugera superflue, cette année 1923 vit non seulement le début des tortures de Freud, mais encore la désagrégation du comité créé 10 ans auparavant pour maintenir autour de lui la paix et une entente fraternelle. À vrai dire, les deux choses étaient intimement liées, l'éventualité de la mort de Freud ayant provoqué chez certains disciples des sentiments complexes, où la haine voisinait avec la peur panique de l'abandon et un besoin pressant de s'émanciper. Des 6 membres du comité secret, ce furent Rank et Ferenczi les plus passionnés, les plus malades aussi, qui réagirent le plus violemment à cette mort éventuelle de Freud que, avec la logique irrationnelle de l'inconscient, il ressentait comme un manque d'amour et une trahison. Naturellement, les causes superficielles de discorde ne manquaient pas dans ce groupe assez disparate dont les membres étaient tout à la fois intimement liés et séparés par d'inévitables différences de langue, d'origine et d'habitude de pensée. Accusés par 4 ans de guerre, ces différences se manifestaient forcément dans toutes les questions touchant l'organisation, l'expansion et d'une façon générale la tactique du mouvement. Ainsi, Jones travaillait énergiquement à ouvrir à la psychanalyse l'Angleterre et l'Amérique, tandis que les ressortissants des pays d'Europe centrale, se méfiant des anglo-saxons, dont les travaux, de fait, étaient souvent de médiocre qualité, luttaient pour maintenir la prépondérance des publications allemandes. Des frictions se produisaient ainsi à propos de la gestion et du programme du Verlag, du choix des collaborateurs des revues, de l'élection des présidents de l'association internationale, des villes où chaque année devaient se tenir les congrès. Il y avait aussi la politique intérieure de chaque société, l'édition des œuvres de Freud en anglais et les questions financières toujours pressantes. Dans tous ces débats, la ruse politique de Jones et le bon sens d'Abraham, lequel, avec un incurable optimisme, avait toutefois le don de toujours prévoir les désastres, s'opposaient régulièrement à la passion de Ranke et de Ferenczi, qui, en 1923 justement, finirent par s'associer contre leurs amis. C'est un trait constant du caractère de Freud qu'avec des certitudes inébranlables et une grande énergie, il pouvait être aussi fortement influencé par son entourage immédiat et changer d'opinion d'une façon imprévisible, jusqu'au moment où il s'était formé sa propre idée. Jones était à Londres, Abraham à Berlin, seuls Ranke et Ferenczi étaient en contact constant avec lui et comme il connaissait leur dévouement, c'est à eux que dans les discussions, il donna d'abord son appui. Irrité par les avertissements d'Abraham et de Jones, qui de fait avaient toujours prévu les défections dans le passé, il refusa de prendre au tragique les écarts des deux hommes, même quand ils eurent rompu le pacte du comité. Ce pacte, on s'en souvient, obligeait les membres à se consulter avant de publier quoi que ce soit qui pût conduire à des polémiques dans le mouvement ou devant l'opinion publique. Or, à la fin de l'année 1923, Ranke et Ferenczi publièrent un livre intitulé « Développement de la psychanalyse » dont aucun membre, sauf Freud, n'avait eu connaissance. Les membres du comité en furent d'autant plus choqués que l'idée principale du livre paraissait conduire à des conclusions douteuses. Freud, toutefois, le défendit. L'ouvrage traitait de la tendance des malades en analyse à transformer en actes leurs impulsions inconscientes. Tendance déjà notée par Freud dans un article, mais à quoi les auteurs voulaient accorder une grande importance thérapeutique. À partir de là, ils arrivaient, sans le dire explicitement, à une conception de la technique où l'analyse des situations actuelles prenait tout le poids au détriment des racines infantiles de la névrose. Jones et les analystes berlinois rappelèrent que, 10 ans auparavant exactement, Jung était devenu rebelle en suivant le même chemin. Mais Freud était acquis au livre et se refusa à partager leurs soupçons. Peu à peu, cependant, il revint sur son jugement favorable ayant senti chez les auteurs un manque de sincérité. L'ouvrage, en effet, cachait sous une apparence rassurante les idées de Ranke sur le traumatisme de la naissance et celles de Ferenczi sur une technique nouvelle, dite active, idée qui conduisait de la même façon à raccourcir la durée de l'analyse. Bouleversé par une remarque de Freud à ce sujet, Ferenczi protesta avec véhémence, disant qu'il ne songeait pas un instant à s'écarter de la doctrine. Freud lui répondit « En ce qui concerne vos efforts pour rester à tout prix en accord avec moi, je les estime très haut comme expression de votre amitié, mais je ne trouve pas ce but nécessaire ni aisément accessible. Je sais que je suis peu ouvert et que je ne sais d'abord quoi faire des idées des autres quand elles ne se trouvent pas directement sur mon chemin. Il me faut un moment avant de me faire une opinion. Entre-temps, je dois suspendre mon jugement. Si vous vouliez attendre chaque fois que j'en arrive là, c'en serait fait de votre productivité. La chose n'est donc pas possible. Il me semble vraiment exclu que vous, ou Ranke, dans vos excursions indépendantes, puissiez jamais quitter le terrain de l'analyse. Alors, pourquoi n'essayeriez-vous pas de voir si l'on ne peut pas procéder autrement que je l'ai dit? Si, ce que faisant, vous vous trompez, vous finirez bien par vous en apercevoir vous-même, ou bien je prendrai la liberté de vous le dire dès que j'en aurai acquis la certitude. Le traumatisme de la naissance, publié à peu près au même moment, inspira d'abord à Freud la même attitude affectueuse et tolérante. Là, pourtant, les déviations étaient plus voyantes, car Ranke, poussant jusqu'à ses dernières conséquences une idée déjà exprimée par Freud, affirmait que toute la vie de l'homme est déterminée par l'expérience unique et douloureuse de la naissance, pendant laquelle l'enfant est menacé d'asphyxie et connaît les affres de la mort. Tout ce que l'homme fait et tente par la suite vise uniquement à annuler ou à surmonter ce traumatisme profondément refoulé. Il y parvient par le moyen du coït qui réalise en partie la fusion originelle avec le corps de la mère, ou par la sublimation, grâce à quoi il peut vivre dans des créations religieuses ou artistiques, ce retour au sein maternel qui est la peur et le désir de toute vie. L'échec de ces deux tentatives d'adaptation est sinon la seule cause, du moins la plus profonde, dans l'étiologie des névroses. L'inquiétant ici était moins la théorie dont Freud, après tout, avait fourni le point de départ que les considérations techniques qui en découlaient directement et conduisaient en particulier à abréger de beaucoup la durée de la cure psychanalytique. Si tous les conflits ultérieurs de la vie n'étaient que des écrans dissimulant le traumatisme originel et les relations absolument primordiales de l'enfant avec la mère, il n'y avait plus de raison de s'attarder à l'analyse du conflit édipien ni à la remémoration des souvenirs infantiles. De fait, Rankh, et avec lui Ferenczi, dont la théorie de la génitalité repose à peu près sur les mêmes prémices, en vint à préconiser des cures extrêmement brèves, dans lesquelles le patient n'avait plus à se souvenir, mais à revivre sa séparation douloureuse d'avec sa mère, autrement dit, à renaître en surmontant enfin sa peur. Le traumatisme de la naissance laissa Freud extrêmement perplexe, comme le montrent les jugements contradictoires qu'il émit en peu de temps sur ce sujet. Tout d'abord, le livre lui causa un choc, car, si Rankh avait raison, toute l'œuvre de sa vie sur l'étiologie des névroses était réduite à néant. D'un autre côté, la découverte de son élève lui paraissait fondamentale, et il se réjouissait que, grâce à elle, Rankh put enfin se libérer de sa longue tutelle. Mais il ne voyait pas comment l'insérer dans l'édifice de sa théorie sans que le complexe d'Édipe y perde son indispensable primauté. Peut-être se serait-il abstenu de prendre parti si certains analystes, surtout les berlinois, ne l'avaient pressé de condamner les deux auteurs afin de rétablir le centre de gravité de la théorie. Les orthodoxes, en effet, étaient fort alarmés de voir Rankh et Ferenczi mettre tout l'accent sur le principe maternel, au détriment du père, qui pour Freud était l'auteur de la prohibition de l'inceste, et par conséquent l'incarnation de la loi, avec et contre quoi l'individu est appelé à se former. Comme la crise s'aggravait, Freud, le 15 février 1924, crut l'apaiser en envoyant une circulaire à tous les membres du comité. « Mes chers amis, j'apprends de divers côtés, non sans étonnement, que les publications récentes de notre Rankh et de notre Ferenczi ont provoqué une agitation bien désagréable. L'un de nos amis m'a prié de discuter entre nous cette affaire encore bien vague dans laquelle il voit un germe de discorde. Si j'accède à sa prière, ne croyez pas que c'est pour m'immiscer dans vos discussions. Je souhaiterais bien plutôt rester moi-même aussi loin que possible à l'arrière-plan et laisser chacun d'entre vous suivre son propre chemin. » Lorsque Zax est venu me voir récemment, nous avons échangé sur le traumatisme de la naissance des commentaires qui ont pu donner l'impression de mon désaccord, soit avec la publication de l'ouvrage, soit même avec son contenu. Il me semble pourtant que le seul fait que j'ai accepté la dédicace suffit à exclure une pareille supposition. Voici ce que je veux vous dire, ni le désir d'harmonie entre nous, ni le respect que vous m'avez si souvent témoigné ne devrait empêcher qui que ce soit d'entre vous d'exercer librement son activité. Je n'attends pas de vous que vous agissiez dans une direction qui me soit agréable, mais d'une façon conforme à vos observations et à vos idées. On ne peut pas attendre d'une demi-douzaine d'hommes de tempéraments divers qu'ils soient absolument d'accord sur toutes les questions scientifiques et tous les nouveaux thèmes appelés à surgir. Ce n'est pas possible et pas même souhaitable. La seule condition pour une collaboration féconde est qu'aucun d'entre nous ne quitte le sol commun des principes psychanalytiques. Mais il y a aussi autre chose que vous savez probablement et qui me rend spécialement impropre à jouer le rôle d'un censeur despotique toujours en éveil, c'est que je ne suis pas aisément accessible à la pensée des autres, et que je me fais une règle d'attendre jusqu'à ce que j'aie trouvé un quelconque rapport avec le labyrinthe de mes propres idées. Si, devant toute idée nouvelle, vous vouliez attendre que je me la sois appropriée, il vous faudrait compter devenir joliment vieux. Après avoir rendu hommage aux découvertes des deux auteurs incriminés, Freud passe avec franchise à l'examen de tout ce qu'elles ont de déroutant pour lui. Mais voici le point où les difficultés commencent. Au fantasme du sein maternel s'opposent des obstacles qui provoquent de l'angoisse. Ce sont les limites imposées par la prohibition de l'inceste. Mais celles-ci, d'où viennent-elles? Manifestement, elles sont représentées par le père, la réalité, l'autorité qui édicte l'interdit. Mais pourquoi ces derniers ont-ils dressé ces barrières? Mon explication était historique, sociale et phylogénétique. Je faisais dériver la barrière de l'inceste de l'histoire primordiale de la famille humaine et voyais dans le père réel l'obstacle proprement dit qui, chaque fois, érigeait de nouveau la barrière de l'inceste. Ici, Rank s'écarte de moi. Il refuse le point de vue phylogénétique et comprend simplement la peur de l'inceste comme la répétition de l'angoisse de la naissance, de sorte que le refoulement névrotique est déterminé de façon innée par le processus de la naissance. Certes, cette peur de la naissance est transférée sur le père, mais celui-ci, pour Rank, sert uniquement de prétexte. On en vient à l'hypothèse fondamentale que les sentiments à l'égard du sein maternel ou des organes génitaux de la femme sont dès le début de nature ambivalente. C'est là qu'est la contradiction. Je trouve très difficile de trancher. Je ne vois pas non plus comment l'expérience pourrait nous aider puisque, dans l'analyse, c'est toujours le père que nous rencontrons comme représentant de l'interdit. Mais, bien entendu, ceci n'est pas un argument. Aussi dois-je provisoirement laisser la question en suspens. Cette attitude conciliante et affectueuse n'eut pas du tout le résultat désiré, car là où Freud voyait une recherche sincère et respectable, le comité, hanté par les précédents de Jung et d'Adler, croyait reconnaître de loin l'hérésie. Abraham répondit à la circulaire par une lettre à Freud, où il disait ouvertement ses craintes, et Freud, imprudemment, rapporta ses propos aux deux intéressés. Ce fut la brouille, et peu après, Rank prit l'initiative de dissoudre le comité. Freud en fut terriblement affecté. La lettre qu'il écrivit à ce moment à Ferenczi pour l'assurer de sa confiance est l'une des rares où il se plaigne sans retenue. Je ne doute pas que les autres membres de l'ancien comité aient des égards et de l'affection pour moi, et pourtant le résultat est que je suis abandonné juste au moment où je suis devenu un invalide, où ma puissance de travail est diminuée et mon moral mauvais. Alors que je voudrais me décharger de toute charge supplémentaire et ne me sens plus à la hauteur d'aucun souci. Je ne me plains pas pour vous engager à tenter quelque chose pour sauver le comité perdu. Je le sais, fini est fini, perdu est perdu. Je survis au comité qui devait être mon successeur. Peut-être survivrai-je aussi à l'association internationale. Espérons que la psychanalyse me survivra. Mais tout cela, ajouté au reste, me fait une bien triste fin de vie. Pour garder les deux fils en qui il avait mis tant d'espoir, Freud fit beaucoup d'efforts qui le portèrent parfois à se montrer injuste envers les autres, surtout envers Jones et Abraham, qui l'agaçaient par un bon sens un peu étroit et, malgré leur dévouement à la cause, un certain manque de générosité. Mais s'il réussit à regagner Ferenczi, au moins pour quelques années, il vit bien qu'il lui faudrait perdre Rank, dont à ce moment le destin était déjà scellé par la maladie. Exactement comme Jung, 10 ans auparavant, Rank entra en rébellion ouverte à l'occasion d'un voyage en Amérique, pendant lequel il se posa en créateur d'une nouvelle théorie, et puis encore, d'une technique révolutionnaire fort alarmante pour ses confrères américains. La pratique de cures excessivement abrégées pouvait en effet conduire aisément à la charlatanerie, d'autant plus que Rankh, qui n'était pas médecin, s'adressait de préférence aux analystes profanes et ouvrait ainsi à tout venant l'exercice de la profession. En vérité, l'élève éternellement dépendant du maître avait cherché dans un pays nouveau une libération matérielle et spirituelle qu'il savait impossible à Vienne et que la maladie mortelle de Freud rendait maintenant urgente. 3 ans plus tard, l'Amérique, qui décidément attirait les rebelles, joua le même rôle tentateur dans le destin de Ferenczi. Ce dernier avait publié un ouvrage tout à fait remarquable, quoique empli de spéculations presque mystiques sur la nature et les origines, qui, venant après le traumatisme de la naissance de Rankh, avait bien de quoi inquiéter les esprits rassis. Dans son esquisse d'une théorie de la génitalité, Ferenczi, en effet, ne tentait rien de moins que de jeter les bases d'une nouvelle science, la bioanalyse, en appliquant à la biologie la valeur universelle du symbolisme. Ayant posé que les modes d'expression symbolique ou indirecte du psychisme ou du corps, tout comme les anciens hiéroglyphes, détiennent un fragment d'histoire submergé ou inabordable par d'autres voies, Ferenczi décidait d'appliquer la psychanalyse au grand mystère de l'évolution de l'espèce, ce qui, il le reconnaissait honnêtement, revenait à proposer à ses lecteurs un passionnant conte de fées. Le fait est que la biologie ici semble jouer un peu le même rôle que la mythologie dans le livre de Rankh, sauf que Ferenczi ne renonce pas à établir sa thèse sur certaines théories biologiques, celles de Haeckel et de Lamarck en particulier. Cette thèse, présentée d'abord sous la forme d'une hypothèse, mais affirmée ensuite comme si la preuve en était faite, c'était que l'existence intra-utérine des mammifères supérieurs n'était qu'une répétition de la forme d'existence de l'époque marine, et que par conséquent, la naissance n'était rien d'autre qu'une récapitulation individuelle de cette grande catastrophe qui, lors de l'assèchement des mers, a contraint tant d'espèces animales et certainement aussi nos ancêtres animaux, à s'adapter à la vie sur la terre ferme. Ainsi, l'éternel désir du retour au sein maternel ne provenait plus, comme chez Rankh, du souvenir de l'extase intra-utérine perdue et refoulée par chaque homme qui naît, mais de la nostalgie de l'océan initial d'où toutes les espèces sont issues. De Thalassa, mère originelle et matrice du monde, la mère humaine n'était que le symbole ou le tardif substitut. On s'attendrait que ces idées, infiniment plus riches que ne le montre un résumé sommaire, eussent passablement effrayé Freud, dont la pensée restait toujours malgré tout classique et mesurée. Mais sur ce point, justement, il était lui-même partagé entre deux tendances également enracinées en lui, l'une rationaliste, qui l'engageait à rester à ras de terre, l'autre romantique, à quoi il cédait d'autant moins qu'il en connaissait la force. À certains moments, c'était par exemple l'époque de ses relations avec Fliss et celle des grandes visions décrites dans « Au-delà du principe du plaisir », le romantisme l'emportait pour un temps sur ses aspirations à la rigueur classique, et le père, principe en quelque sorte légal de la pensée psychanalytique, perdait de son pouvoir en faveur de la mère, à quoi ramènent en fin de compte le principe de répétition, l'idée de l'éternel retour et la hantise de la mort. Fasciné par les abîmes où il n'osait descendre, et que d'autre part son amour de la clarté et de l'ordre lui rendait suspect, Freud n'était que trop tenté par l'aventure risquée où s'engageaient ses plus brillants élèves. Dans les années de crise que nous évoquons maintenant, c'est cela, non moins que l'âge et la maladie, qui motiva son attitude indécise. Depuis quelque temps, en effet, la psychanalyse changeait sous ses yeux, et non seulement les innovations théoriques, mais les observations cliniques elles-mêmes en déplaçaient le centre de gravité. De plus en plus, l'intérêt se portait sur l'étude systématique des relations du nourrisson avec sa mère, étude qui confirmait d'ailleurs de façon éclatante les idées de Freud sur l'évolution de l'enfant, mais obligeait à reculer de beaucoup la cause des conflits. L'observation directe des enfants, dont la pratique est maintenant courante, conduisit une élève de Ferenczi, Melanie Klein, à des conceptions théoriques qui, par la suite, l'opposèrent vivement à Anna Freud, naturellement gardienne de l'orthodoxie. Il n'est pas jusqu'à la médecine psychosomatique, développée sous l'impulsion d'un autre élève de Ferenczi, Franz Alexander, qui n'engagea la psychanalyse dans des voies inattendues, déroutantes même pour son auteur. Intimidé par ces changements étrangers et à son tempérament et à ses buts, Freud n'intervint plus qu'avec hésitation dans les querelles théoriques. Mais ses dernières œuvres n'en tiennent pas compte. À la Gorgone fantastique, source d'amour et de terreur, sans cesse dévorante et dévorée, qui envahit la pensée de certains de ses élèves, il continue d'opposer la mère épouse, dont le rôle reste fixé par le complexe d'Édipe, en face du père, qui reste jusqu'au bout pour lui le principe d'ordre, d'autorité, de culture, la loi première dont dépendent tout à la fois la société et le destin de l'individu. Ce père législateur, éternellement haï et adoré, éternel, puisque la mort ne change rien à sa puissance, c'est encore de lui qu'il parle juste avant de mourir, en évoquant celui qu'il appelle, non sans intention sans doute, l'homme Moïse. S'il ne chercha pas à influencer l'évolution théorique de la psychanalyse, Freud, du moins, tint à conserver le contrôle des innovations techniques, qui risquaient d'introduire dans la pratique quotidienne une imprévisible anarchie. Ferenczi, ayant découvert l'importance des expériences vécues dans le présent immédiat de la cure, avait mis au point une thérapeutique active destinée à frustrer le malade en lui enjoignant de se restreindre en tout, de manger et de boire peu, de réduire ses mictions et de s'obliger à l'abstinence sexuelle. En d'autres termes, à le mettre hors de lui. Il y avait là comme une critique de la méthode de Freud, qui, il le lui reprocha amèrement plus tard, avait négligé d'analyser son transfert négatif et l'avait en quelque sorte trop gâté pour qu'il pût résoudre sainement l'obscur problème de leur relation. Freud condamna sans équivoque ses façons de faire, dont il voyait bien le danger pour des débutants ambitieux. Quelques années plus tard, Ferenczi changea encore de manière et passa de l'analyse ascétique à une technique radicalement contraire, visant à donner aux malades tout le confort, l'amour et le plaisir dont leur entourage les avait sevrés. Freud prit encore clairement parti contre ce nouvel excès, et en 1931, alors que Ferenczi s'était déjà tellement éloigné de lui qu'un rapprochement n'était plus concevable, il lui écrivit une longue lettre dont l'ironie tempérait le ton sévère et peut-être l'amertume. Je vois que notre différend culmine dans un détail technique et qui mérite bien d'être mentionné. Vous ne faites pas mystère du fait que vous embrassez vos patients et vous laissez embrasser par eux. Or, quand vous voudrez donner un compte-rendu complet de votre technique et de vos résultats, il vous faudra choisir entre deux solutions. Ou bien vous direz cela, ou bien vous le tairez. La seconde, comme vous pouvez le penser, n'est pas honorable. Bien sûr, je ne suis pas de ceux qui, par pruderie ou souci de convention bourgeoise, condamneraient des gratifications érotiques aussi infimes. Je n'ignore pas non plus qu'au temps des Nibelungen, un baiser était un innocent salut accordé à tout hôte. Je suis même d'avis que l'analyse est possible en Russie soviétique où, pour ce qui est de l'État, règne une liberté sexuelle totale, mais cela ne change rien au fait que nous ne vivons pas en Russie et que chez nous, un baiser signifie une certaine intimité sexuelle. C'est pourquoi nous avons maintenu notre principe de refuser à nos malades toute satisfaction érotique. Maintenant, représentez-vous les suites de votre technique, si elle venait à se généraliser. Il n'y a pas de révolutionnaire qui ne soit supplanté par un autre, plus radical encore que lui. Un certain nombre de personnes indépendantes en matière de technique vont se dire pourquoi s'arrêter au baiser. On obtiendrait certainement mieux en recourant aux caresses, ce qui, après tout, ne produit pas non plus de bébés. Puis, de plus hardis viendront, qui feront un pas de plus vers le voyeurisme et l'exhibitionnisme. Il en résultera un énorme intérêt pour les analystes comme pour les patients. Cependant, le nouvel adhérent revendiquera pour lui-même une bonne part de cet intérêt. Les plus jeunes de nos collègues trouveront très dur de s'arrêter là où ils le voulaient d'abord, et alors peut-être, contemplant le tableau vivant dont il sera le créateur, Dieu le Père Ferenczi se dira « Tout de même, j'aurais peut-être dû arrêter ma technique de tendresse maternelle avant le baiser ». Mais Ferenczi ne se rendit pas. Il nourrissait contre Freud La pire rancune qu'on puisse concevoir dans une pareille situation, celle d'avoir été mal analysé par l'homme qu'il vénérait le plus au monde. Il persista donc à abreuver ses patients d'amour maternel et, à mesure des années, montra dans ses rapports avec Freud une froideur de plus en plus marquée. Les deux hommes, cependant, continuèrent de s'écrire et, si les lettres de Ferenczi s'espacèrent, celles de Freud gardèrent la même chaleur, la même sollicitude que par le passé. Atteint d'une anémie pernicieuse, Ferenczi vit sa santé décliner lentement. En 1932, la maladie physique évolua parallèlement avec la grave affection mentale qui, certainement, était la vraie cause de son trouble. Cet homme a tant d'égards remarquables, dont l'œuvre est probablement la plus importante de la période freudienne, mourut en 1933, quelques jours après l'incendie du Reichstag et le déferlement du nazisme sur l'Allemagne. Après von Freud et Abraham, mort en 1926, Freud perdait au soir de sa vie l'un des derniers, peut-être le plus cher de ses compagnons. RTF France 3 Nationale vous a présenté en seconde diffusion La liberté coupable. La liberté coupable, deuxième série. La révolution psychanalytique. Une émission de Marthe Robert, réalisé par Raoul Leclerc, Michel Bouquet, Roger Brett, René Farabet, Claude Martin, Pascal Mazzotti, Jean Muselli et Jean Topard dans Nouvelle crise. Prise de son Pierre Simon, collaboration technique Monique Germain, assistante Marie-Andrée Arminot. Ces émissions ont été diffusées pour la première fois sur France 3 Nationale les 22 juin et 6 juillet 1963. Vous pouvez les réécouter ou les télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits.